Viens faire lui ta lumière. Fais lui ta lumière, Seigneur. Fais lui ta lumière, Seigneur. Oh Dieu du Tout-Puissant. Dans les sphères de l'amour, dans les hautes sphères de l'amour, Seigneur. Dans les hauts lieux de l'amour, Père éternel. Dans chaque lumière, lui, chasse. Que ta lumière, lui, c'est des chasses. Que ta lumière, lui, c'est des chasses. Et chasse toutes tes lèvres, Seigneur. Toutes tes ténèbres, Père éternel. Que ta lumière, lui, Père éternel. Et chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-lui ta lumière, Seigneur. Fais-lui ta lumière. Prions et dispersons tout esprit de génocide qui veut créer des génocides. Ils vont boire du sang au travers des génocides. Prions. Dispersons ces esprits, ces pensées. Dispersons. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans quelque lieu que ce soit. Prions, prions. Nous dispersons au nom de Jésus-Christ. L'esprit des génocides, Seigneur. Dans les états, frappons en terre. Dispersons au nom de Jésus. L'esprit des génocides, dans cette nation. Dans le nord du pays, Seigneur. Au sud de mon pays, à l'est, à l'ouest. Cet esprit de génocide, oh Père éternel, qui veut pousser les uns et les autres à s'en tuer, à se haïr à la mort. Père, nous chassons cet esprit. Nous chassons cet esprit, Seigneur. Si tous les femmes du diable national, au Cameroun, Père, nous chassons cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons cet esprit. L'esprit de génocide, Seigneur. L'esprit de génocide, Père éternel. Oh, de cette pensée qui naît, qui germe dans les cœurs, Père. Nous anéantissons cette pensée génocidaire dans les cœurs des uns et des autres, Père éternel. Dans les cœurs des autorités camerounaises, Père. Dans les cœurs des groupes de Cameroun, Père éternel. Les tribus du Cameroun, Père éternel. Nous chassons cet esprit. Cet esprit de génocide, Père éternel. Oh, Dieu, nous n'en sommes pas ici. Nous n'en sommes pas ici. Nous nous payons, Père éternel. Oh, Dieu, Aie pitié, Seigneur. Son nom, nous chassons ces esprits, Père éternel. Tous ces esprits, Seigneur éternel. Oh, l'esprit des génocides, dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des hommes, nous les chassons et les dissipons. Nous les chassons et les dissipons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que nous les règles, que nous les règles, Père éternel. Père, nous Nous le chassons, oh, nous vous levons cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons cet esprit, Seigneur. Nous le refoulons, Père éternel, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, nous chassons cet esprit.